Bonne journée sur France Bleu, il est un petit peu plus de 6h20. Toute cette semaine, nous allons découvrir, comme d'ailleurs chaque semaine, une personnalité qui a marqué l'histoire de nos pays de Savoie, de la France parfois. En tout cas, cette semaine, c'est une personnalité atypique à découvrir. Il fait partie des gens d'ici, c'est un peintre qui aimait la nuit qu'il peignait, une saga qui nous emmène ce matin à Chambéry dans une boulangerie familiale. Christine Martinez. François Cachou, né le 23 octobre 1866 à Chambéry, au numéro 3 de la rue basse du château. Chambéry, comme toute la Savoie, fait désormais partie de la France. Et aux 3 rues basses du château, les parents de François tiennent une boulangerie, pâtisserie. Tout jeune, les bonnes odeurs du pain encore chaud et des gâteaux rythment les journées et les nuits de l'enfant. Fouet, batteur à œufs, poche à douille, tout ça bien avant l'armoire frigorifique ou encore les conserves. Voici de nouveaux ustensiles qui apparaissent au 19e siècle et la pâtisserie se démocratise. Antonin Carême, le plus grand maître de l'histoire de la gourmandise, en fait un art. Lui, le passionné d'architecture. Et Brillat Savarin, le gastronome de Belley, en avait défini le goût et la modernité. Notre jeune François Cachou grandit donc dans la douceur et la tendresse des gâteaux de la boulangerie et pâtisserie familiale. Millefeuille, Vacherin, le Savarin bien sûr, le Marcelin, Saint-Honoré, Profiterole, éclair, religieuse, madeleine, croque-en-bouche, nougatine, bonbons à liqueur, fondant ou encore pêche melba, et à Pâques, les œufs en chocolat, à Noël, la bûche, de la douceur, des odeurs rassurantes et la chaleur du four à pain qui éclaire la nuit et la rue basse du château. La nuit que François Cachou ne cessera de peindre. La nuit, les ombres, le mystère, la fascination, les nuits chaudes du foyer d'un côté, mais aussi les nuits froides du dehors, de la guerre. Une dualité que l'on retrouve chez le jeune François, un enfant sensible et aventurier en même temps, puis un adulte qui restera très attaché à la Savoie, tout en parcourant le monde. Et sa fascination pour la nuit, le cœur de sa création, vient probablement de ce père qui allumait le four à pain en pleine nuit et qui travaillait avant l'aube. Et puis, très jeune, François ressent aussi l'inquiétude des parents. La période est mouvementée, l'annexion de 1860 comme la guerre de 1870 qui arrive sont l'occasion pour les Savoyards de montrer leur attachement à leur nouveau pays. Mais l'échec de la guerre franco-prussienne de 70 laisse un goût amer dans les cœurs et dans les foyers. Et en 6 semaines, on perd la Lorraine et l'Alsace, le maréchal de MacMahon est battu et le 2 septembre 70, l'armée française et Napoléon III rendent les armes à Sedan. François grandit donc avec cette fascination pour la nuit, le sentiment de sécurité et de la chaleur du foyer, mais aussi avec l'instabilité politique du pays. Le jeune homme fait ses études au lycée de Chambéry. Et puis en 1883, à l'âge de 17 ans, François quitte les études et entre dans l'administration des ponts et chaussées. Il y rencontre le peintre aquarelliste Ernest Filliard, qui deviendra un bon ami. Il suit les cours de Benoît Molin, conservateur du musée de Chambéry, et décroche une subvention pour étudier à l'école des Beaux-Arts de Paris. Le peintre Delaunay sera son professeur. Et puis après Delaunay, ce sera Gustave Moreau. C'est pas rien quand même. Et en 1889, l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de la Savoie lui décerne le prix de la Fondation Guy. François Cachou a 23 ans. Il sera le peintre de la nuit et de la pénombre. Voilà, François Cachou qu'on va découvrir toute cette semaine. Celui que l'on surnommait le Corot de la nuit. Rendez-vous demain matin à cette heure-ci avec Christine Martinez. Prudence évidemment sur les routes ce matin, sur le réseau secondaire où on peut encore trouver quelques plaques de verglas ici ou là. On fait la route ensemble sur France Bleu dans 4 minutes. Voici France Gall, il jouait du piano debout. Ne dites pas que ce garçon était fou, il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux.